à tous nos soldats qui sont partis trop tôt de cette vie. Ce n'est pas la faute des loups qui sont dans la bergerie. Quand ils s'en vont, ça me fait mal et je vis l'enfer. Le plus dur c'est de savoir que la mort les enterre. Que Dieu leur donne une rédemption dans un monde meilleur. Beaucoup croient que la pomme sans pour autant regarder l'heure. Toto, on pense à toi quand qu'il arrive, tu es dans nos cœurs. La vérité c'est qu'on a peur de commettre l'horreur. Plusieurs fois je suis passé à côté, la chance m'a souri. Un jour, je sais que tout sera pourri. Je fais pas de la prévention, je veux que vous fassiez attention. La gloire n'est pas la rançon, je m'en fous de ta mention. À tous nos potos qui sont partis là-haut, à tous nos frères qui sont tombés. J'espère qu'un jour ou l'autre la fauche va sombrer. Il a fallu du noir pour en arriver là. La vendetta sera en nous, et ça tu le verras. Partout, à chaque virage, la dame blanche que je croise. La faucheuse m'a fauché quelques amis. Trop de temps sont partis, j'ai pas eu le temps de dire je t'aime, j'ai le cœur éclaté. La gorge nouée, les poings serrés, je viens m'exprimer. Mais putain, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai même pas en sûr, des fois que t'avais pas le droit. Si jeune et généreux, c'est Genesis. Rends-moi ces gens que tu m'as pris vers les cieux. Moi, c'est des larmes dans mes yeux, des roses que se posent sur leur tombe. Tout en rêvant d'un nouveau monde, et là je me perds. Je fais une prière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Rends-moi mon frère, car elle me manque tant. La mort s'invite sous forme de maladies, d'épidémies, d'accidentés, de la route. Elle frappe partout, n'importe quelle heure. Sans répit, nous volent nos frères et nos sœurs. Votre présence entre mes sommeils, trop souvent je rêve d'un monde meilleur, là où les cris et les pleurs sont placés par des rires, de la joie et du bonheur. Malheureusement, la vie est ainsi faite, on rit, on pleure, on vit, on meurt, on donne, on rêve, on pense en pire, parti trop tôt, on pense à vous. La larme à l'œil, seul dans l'obscurité, c'est sur mes textes que sort de moi la vérité. Toute personne est unique et tout ce qui est unique est irremplaçable. Même avec le temps, la douleur reste insurmontable. Jeune et inconscient, j'ai plus confiance, j'ai perdu la notion, plus rien à faire, je suis prêt à tout. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'avancerai même avec des bâtons dans les roues. Je reste fort et fier, tout ça pour mon petit bout. Un signe.